Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet-Duprès 1862. Question 9. Du don de science. La science est un don, qui a pour objet la connaissance des choses créées dans leur rapport avec la foi. La béatitude qui lui correspond est, bienheureux ceux qui pleurent. 1. La science est-elle un don? Isaïe énumère la science parmi les sept dons. Isaïe 11. Deux conditions sont nécessaires pour notre adhésion parfaite aux vérités de la foi. La première est de saisir exactement ce qui est proposé à notre croyance, et c'est là l'effet propre du don d'intelligence. La seconde est de porter sur les vérités de la foi un jugement sûr et droit. En discernant ce qu'il faut croire de ce qu'il faut rejeter, c'est à cela que se rapporte le don de science. Note. Il y a deux sortes de science, l'une, par laquelle un homme sait ce qu'il doit croire et discerne suffisamment les vérités qui sont de foi de celles qui ne le sont pas, elle est un don commun à tous les saints, l'autre, par laquelle un fidèle sait non seulement ce qu'il doit croire, mais sait encore prouver sa foi, convertir les infidèles et réfuter un contradicteur, celle-là n'est accordée qu'à quelques-uns. Aussi saint Augustin, après avoir dit lui-même que beaucoup de fidèles qui sont admirables par leur foi n'excellent cependant pas dans la science, ajoute, autre chose est de savoir seulement ce que l'on doit croire, et autre chose est de savoir comment on peut persuader à d'autres les vérités que l'on croit et de quelle manière on doit les défendre contre les impies. Fin de la note. 2. Le don de science a-t-il pour objet les choses divines? La connaissance des choses divines est appelée sagesse. Et la connaissance des choses créées prend le nom de science. C'est pourquoi connaître Dieu au moyen des créatures est une opération qui ressort du don de science, tandis que, si l'on juge les créatures d'après Dieu, ce jugement appartient à la sagesse plutôt qu'à la science. De là ce que nous dit saint Augustin dans son traité de la Trinité. On distingue par le nom de sagesse la connaissance des choses divines, et par le nom de science la connaissance des choses humaines, ou simplement des choses créées. 3. La science, don de l'Esprit Saint, est-elle une science pratique? Le don de science, comme le don d'intelligence, se rapporte à la certitude de la foi. Or la foi consiste, avant tout, dans la spéculation, c'est-à-dire dans l'adhésion de l'esprit humain à la vérité première. Mais, comme la vérité première n'est autre que la fin dernière pour laquelle nous agissons, la foi s'étend par cela même à nos actions, selon cette parole, la foi opère par l'amour. Galates 5, 6. Pour la même raison, le don de science se rapporte principalement à la spéculation, puisque nous connaissons par lui les vérités qu'il faut croire, mais il s'étend aussi à nos actions, dans le sens que nous devons régler notre conduite sur ces mêmes vérités. Note. C'est de la sorte que le don de science sert à diriger la piété, cela seulement le possède qui porte, en vertu de la grâce sanctifiante qu'ils ont, un jugement tellement droit sur ce qu'ils doivent croire et pratiquer qu'ils ne s'écartent eux-mêmes en rien de la justice. Car telle est la science dont la sagesse a dit, le Seigneur a conduit le juste par des voies droites, et il lui a donné la science des saints. Sagesse, 10, 10. Fin de la note. 4. La troisième béatitude, heureux ceux qui pleurent, etc., répond-elle au don de science? La science, disait saint Augustin, convient à ceux qui pleurent pour avoir appris de quelle funeste chaîne les ont chargés les choses qu'ils ont aimées comme des biens. Les créatures, cause occasionnelle de notre éloignement de Dieu, sont, selon les expressions de l'Écriture, un filet tendu devant les pieds des insensés. Sagesse 14, 11. Les hommes qui, par un faux jugement, font consister en elles le bonheur parfait, pêchent et perdent les biens véritables. Or ce malheur, le don de science nous le dévoile, en nous faisant porter un jugement droit sur les choses créées. Voilà pourquoi l'on dit que la béatitude des pleurs répond à ce don. Note. Si les biens créés nous causent quelque joie spirituelle, ce n'est que tant qu'ils sont rapportés, par le don de sagesse, au bien divin. Mais le chagrin que l'homme éprouve de ses égarements et la consolation même qu'il ressent lorsque la grâce vient rectifier son jugement, voilà ce qui appartient au don de science. Le mérite est dans les larmes, la consolation dans la récompense. La consolation, commencée dans cette vie, sera pleine et entière dans l'autre. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.